J'étais enfin chez moi et je pouvais me consacrer à mon rêve. Devenir rappeur. Narcos, c'est l'ivresse des profondeurs. Parce qu'à la surface, la réalité fait peur. Je plante le décor, on est en 2007. Certains disent que le rap est mort. Avec mes complices, on remet tout le monde d'accord. Cette année, faut qu'on puisse faire entendre jusqu'à la mort. Donc écoute mes récits, le réel, je retranscris. Moi et mes compères, cette année, faut qu'on perce. Tous unis, on s'encourage. Choisis bien ton entourage. Tu t'en rends compte seulement quand tu prends de l'âge. Certains potes te lâchent, mais seuls les vrais restent. C'est un présage funeste quand le message atteste que les faux gars faut qu'on. C'est qu'un vent de faux contexte. Se croient au cinéma dans leur texte. Ça va pas bien dans leur tête. Devraient ouvrir les yeux, mettre des lunettes. Se prennent pour les parrains du crime. J'en ai rien à treuve de la frise. C'est pour mes rêves que je rime. J'fuck ceux qui rappent pour se faire des potes ou une réputation. Ne font que des fausses notes et leurs lyrics tournent en rond. J'ai toujours la bonne formule, pourquoi tu veux que je capitule? Je rappe des idées qui ont du sens, bien décidé à venir en puissance. Pour tous mes gars et mes go trip, fidèle à moi-même, j'ai pas ni les go trip. J'ai toujours la bonne formule, pourquoi tu veux que je capitule? Je rappe des idées qui ont du sens, bien décidé à venir en puissance. Pour tous mes gars et mes go trip, fidèle à moi-même, j'ai pas ni les go trip. Au bout de 3 heures. J'ai lâché ma carrière de rappeur pour tourner dealer de la coke. J'rappe comme je parle, j'ai le style, pourtant j'prends pas de canicale. Prends mon texte tel un hypercute mental. J'ai un brutalisé dans vos airs sur morceaux freestyle. J'tiens à maîtriser les faussaires de ce milieu musical. Et s'il a traîtrisé la base du rap commercial, c'est la crise dans le hip hop. Faut te mettre à la page, on vise le top single. Narcos foule ta page, tu frises le flop, t'es tout seul. On t'a pris en otage dans le teint, les MC ont tous déserté. Ce sont les mêmes qui se plaignaient du manque d'unité. Partout trop de mecs se mettent à rapper, donc je me dois te démarquer. En première classe, tu vas embarquer. La grande classe de loin, tu nous as remarqué. Depuis le début, je reste le même, celui qui cogite sur des thèmes et balance des concepts. Tueur, de rime en rafale, je suis le concepteur. Ton cœur s'emballe dès que tu montes le volume de ton baladeur. Tu payerais 100 balles pour nous voir rapper un quart d'heure. T'es en transe pourtant que tu drogues pas. C'est que j'ai atteint mon but, précis comme Drogba. Pas question de carna, certains te baratinent comme ils vendraient de la paraffine. Cherche le paradis car ils voudraient toucher la prime. Aujourd'hui tout est de spi, ça va à 200. Comme la nuit dans mon AX avec mes frères 200. T'inquiète, je mélange jamais volant et boisson. Par contre j'ai ma licence de débit de son. Efficace contre le manque d'inspiration. Et si écrire des lyrics devient un casse-tête, c'est toujours moins compliqué que d'encaisser les coups de traite. Car ici, pour compter les gens honnêtes, il faut une main amputée de 5 doigts. Pour dompter les gens pas nets, faut un surin entouré de 5 doigts. J'ai toujours la bonne formule, pourquoi tu veux que je capitule? J'rappe des idées qui ont du sens, bien décidé à venir en puissance. Pour tous mes gars et mes go trip, fidèle à moi-même, j'ai pas ni les go trip. J'ai toujours la bonne formule, pourquoi tu veux que je capitule? J'rappe des idées qui ont du sens, bien décidé à venir en puissance. Tous mes gars et mes go trip, fidèle à moi-même, j'ai pas ni les go trip. De la coke au coin de la rue, ça paye que dalle. Si on faisait le compte des heures, du temps passé à attendre, c'était comme le salaire minimum. Et si on ajoutait le temps qu'on risquait de passer en prison, ça faisait moins que le salaire minimum. Et un jour, on ajoute le bicarbonate, tout a changé. Ici, 24-24, j'élabore des couplets. J'atterris dans le 34, nouvelle adresse Montpellier. Donc message à tous mes sauts, je suis pas prêt de vous oublier. Loin des yeux mais près du cœur, tu connais. Pendant des années, des valeurs de paix j'ai prôné. Toujours sur le terrain, représente le hip-hop sur la monnaie qui a pourri notre système. Donc si t'aimes le son frais, branche-toi sur l'alternative FM. Émission de qualité, où l'authentique underground avait les trentaines du cup. À tous les MC locaux qui ont freestylé, tous ces locaux du micro ou enflammé d'intérêt. Oh, on prouvait que dans le 8-1, y'avait du gros niveau. J'en place une pour les graffeurs, l'Albi à Carmo. Toujours dans la place, aucun mur ne vous résiste. Énorme dédicace à la sauce, les artistes. Ceux qui font bouger les choses pour faire connaître leur art. Écrivain contemporain, on cherche la perle rare. Ici on est content pour rien, promis un truc, on fout droit l'auditoire. C'est comme ça que ça se passait, tous les mardis soirs sur la scène de la JC. Big up à tous ceux qui sont venus nous voir. Tous les passionnés qui aiment sentir vibrer le son. Vinyle scratcher aux doigts affûtés qui font péter le caisson. À n'importe quelle heure, on est toujours prêt pour de nouvelles connexions.